Les mecs. Check, check, quartier Haute-Seine. Les mecs, arrêtez les castons. Au quartier, ça sent le Tronxène 500. T-Schmidt, fonce carochite, ça sent le SL500. Ouais, j'vous bats. J'entends en passant. Si tu veux tirer, tire, mais fais le vite. Qu'on peut régler tes comptes en me clashant. Major, un deck, j'vais faire monter les tarots. Quand j'ai la clé, j'm'en sers pour casser le carreau. Merde. Y'a nos empreintes sur la hachette. Laisse-nous passer, pendant que les M6 vont bouffer la chatte. Check, toujours à la mode, j'mets toujours à l'amende à chaque 7. 5 doigts sur un HF. Hérissé, mes lyrics sortent de ma bouche, de mon iris, ma vie un putain de cul de sac. Fils écoute ça, ouais nous on shoot ça. Pas plus signé parce qu'on est suspect, nous on suce pas. Trop de soupapes, sous le capot trop de sous, papa. Nous défier des fous, t'as buté sous, papa. J'ai pas yep, nique le strass et les paillettes. Inonde les ondes, au fusil à pompe. De Boulogne à la faillite gronde. Je veux du taf pétasse, ta caille blonde. Tu veux mon cash négro, ça va être long. J'me barre, j'ai pas yep. Nique le strass et les paillettes. Inonde les ondes, au fusil à pompe. De Boulogne à la faillite gronde. Je veux du taf pétasse, ta caille blonde. Tu veux mon cash négro, ça va être long. Bloc de shit, un bloc note sur moi. J'prends le périph. Circulaire comme le canon d'un Glock. Fuck le milieu monte en smoke de mon putain de train de vie. Depuis des années, j'suis ivre, en train de vivre, en train de canner. J'veux pas te faire baiser, alors viens pas chez nous. Le slip entre la chatte et le genou. Parce que le monde est ainsi. Infâme, j'suis l'étincelle, anti-insigne. Chaîne en or qui pend sur le Marcel. Chico en or, basse, caisse claire. Du shit encore, connard, c'est lunatique. Aïe, j'suis hâte. L'art de la cellule, j'pratique. Quelques techniques de Selassie, aïe. Des fourrailles, y'a la tactique. Beaucoup d'estime pour le bling bling centime. String crime, putain vitrine. Faut la rap en pleine déprime. La rue, t'es en plein dedans. Serrer les dents, les rangs pendant que j'me barre. J'ai pas yep. Nique le strass et les paillettes. Inonde les ondes, au fusil à bombe. De Boulogne à la fight, j'gronde. Tu veux du taf, pétasse, ta caille blonde. Tu veux mon cash, négro, ça va être long. J'me barre, j'ai pas yep. Nique le strass et les paillettes. Inonde les ondes, au fusil à pompe. De Boulogne à la fight, j'gronde. Tu veux du taf, pétasse, ta caille blonde. De mon cash négro, ça va être long. On ne meurt qu'une fois, d'ici là laisse-moi placer. Pour ceux que j'aime, sans me lasser. Ma famille me gêne et mes gens massifs. Que reste la blanche, ma fille à gêne. Ici les hauts scènes, mes nègres gros et au contrôle actif. Indépendant le kiff, attends-toi à nous voir. Tout faire briller des disques au pendentif. On n'a pas oublié, lorsque le pas porte au cou. Et celui qui nous a été pillé, quel est le problème? Tu veux savoir est-ce qu'elle est immonde? Autant demander ce qu'il y a de porc dans mes aliments. Ne rappe ni pour la gloire, ni par passion. Je n'attends ta part, ni compliment, ni ovation. Bien même tout kiff, fais-le avec modération. Allah. A toi seul, on doit toute son adoration. Les vrais savent, sérieux quand je cause ma narration. Depuis les blocs, du pont de Sèvres d'ici, pauvre. Mon blast sur mon époque, lunatique. Mon groupe imbrisable, 9 de I, ma troupe en blizzard. Glace le bis jusqu'à ce qu'il casse. J'me barre, j'ai pas yep. Nique le strass et les paillettes. Du nom de les ondes, au fusil à pompe. De Boulogne à la fight, j'gronde. J'veux du taf, pétasse, ta caille blonde. J'veux mon cash, les gros, ça va être long. J'me barre, j'ai pas yep. Nique le strass et les paillettes. Du nom de les ondes, au fusil à pompe. De Boulogne à la fight, j'gronde. J'veux du taf, pétasse, ta caille blonde. J'veux mon cash, les gros, ça va être long. J'me barre, j'ai pas yep. Nique le strass, du nom de les ondes, au fusil à pompe. J'veux du taf, pétasse, ta caille blonde. Tout mon cash négro, ça va être long. Barrage des paillettes, nique le strass et les paillettes. Boulogne, précis.